14 ans, ben effrayant. J'ai deux semaines à l'affiche. J'en demandais pas autant. C'est sûr, je suis ben content. Mais d'un autre côté, ça me poigne toujours en dedans. Moi, je peux pas m'empêcher. Chanter, on aurait certainement pas dû. Sortir bien tard juste pour voir le monde vibrer.